Un cyborg-rôle par Miguel Zamacois. Bravo, bravo. C'est une pièce magnifique. Un succès. Couru. C'est votre chef-d'œuvre, cher maître. Ces phrases se succédaient, proférées avec enthousiasme par les personnages importants de l'assemblée sur un accompagnement d'applaudissements crépitants exécutés par les comparses. Les personnages importants de l'assemblée, c'étaient Vaugelot, le directeur du théâtre, l'administrateur, le secrétaire général, le régisseur et Judith Carmina, la déjà célèbre jeune première que s'arrachaient les auteurs boulevardiers. Les comparses, c'étaient les titulaires des rôles secondaires, les confidents, les utilités, les domestiques. Jacques Miermont, l'auteur dramatique à la mode, membre de l'Académie française, venait de lire La Folle Conquête, comédie en 4 actes, en prose, qui ne devait passer qu'au début octobre, mais que l'on faisait connaître aux interprètes à la fin de juillet pour qu'ils revinssent de vacances sachant leur rôle. Chose curieuse, seul Vincent Grivalet, le merveilleux et fameux artiste, interprète ordinaire de toutes les grandes œuvres des maîtres du théâtre, ne s'était pas mêlé au concert laudatif exubérant. Il s'était contenté d'approuver faiblement de la tête et de frapper deux ou trois fois l'une contre l'autre de mains molles, comme enveloppées d'ouates. « Vous n'avez pas l'air content, mon cher Grivalet ?» interrogea Jacques Miermont, pendant qu'il se reste au manuscrit dans la serviette en fin marocain. « Je vous ai observé du coin de l'œil depuis le commencement de la lecture, et à partir du second acte, vous m'avez paru refroidi, absorbé, presque hostile. »« Mais non, répondit doucement le grand artiste, « vous vous trompez. Je trouve la pièce supérieure, humaine, émouvante. Je suis sûr qu'elle remportera un gros succès. » « Ce n'est pas le rôle qui ne vous plaît pas, je pense. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas soigné. Je crois pouvoir affirmer que vous n'en avez jamais rencontré un plus beau dans toute votre carrière. » « Mais certainement, certainement. » Si Grivalet n'était pas content de ce rôle-là, intervint avec véhémence Vaugelot le directeur, il serait difficile. C'est un rôle inouï. Il est en or. Sympathique, douloureux, attendrissant, il y serait patent. C'est lui qui récoltera tout. Observa avec une légère aigreur Judith Carmina. Les comparses firent chorus. « C'est un rôle splendide. Il n'y a qu'à ouvrir la bouche. Comment donner un comme ça ?»« Certainement, certainement. C'est un très beau rôle. » murmurait doucement le fameux acteur. « Ne vous frappez pas, mon cher maître, » conclut le directeur en s'adressant à l'auteur. « Ces grandes vedettes sont comme les enfants de riches, trop gâtés. Les plus magnifiques joujoux leur sont dus. Ils ne remercient même pas. » Au fond, Grivalet est ravi, et il y a de quoi. Mes enfants, voici vos rôles copiés. Débrouillez-les, apprenez-les à loisir. Par exemple, ne les perdez pas, et surtout pas d'indiscrétion. Laissez vos adresses à la régie, et l'on vous convoquera pour la première semaine de septembre. Des poignées de main furent échangées, et l'on se sépara non sans que Vaugelot eût envoyé à Grivalet une bonne bourrade amicale en lui criant « Quel petit exigeant, un si beau rôle !» Le lendemain, au grand étonnement du directeur qui rangeait des papiers dans son bureau avant de filer par le train du soir à la mer, on lui annonça Grivalet. « Qu'il entre !» Grivalet entra. Il avait le front soucieux, la tête basse, le dos courbé. Lui qui généralement portait si allègrement ses 64 ans. Il avait l'air à cet instant d'en avoir 10 de plus. « Asseyez-vous, Grivalet. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que vous avez ?» Le vieil artiste sortit de sa poche une petite liasse de papier. « Je viens vous rendre mon rôle, » dit-il d'une voix sourde. « Votre rôle? Un si beau rôle ?» répondit Vaugelot stupéfait. « Voyons, vous n'y pensez pas. Qu'est-ce que cela signifie ?»« Je vais vous le dire, » reprit l'acteur, plus affaissé encore, et d'une voix à peine perceptible. « Je vais vous le dire. Mais en ce moment, ce n'est plus un comédien qui parle à un directeur. C'est un homme qui parle à un autre homme. Ça n'est pas du tout la même chose. Voilà. Vous savez naturellement, comme tout le monde, que je suis avec Clara Gigine, la petite de l'Odéon, dont j'ai été le professeur. Eh bien, mon cher, je suis fou de cette petite. Fou, littéralement. Jamais je n'étais possédé comme cela. Probablement parce que je sens que c'est ma dernière délicieuse aventure. Eh bien, j'ai 64 ans et elle en a 22. C'est effrayant, c'est monstrueux. Quel rapport avec la pièce que... Grivalet avait saisi nerveusement la main de Vaugelot. Quel rapport ? Reprit-il haletant. Mais vous ne comprenez donc pas que le rôle que l'on va me faire jouer dans la pièce, c'est exactement celui que je joue dans la vie. Que l'on y étale cruellement dans cette pièce la différence d'âge atroce qu'il y a entre moi et la jeune femme dont je suis l'amant. Qu'on y rit de ma passion sénile, qu'on me bafoue, qu'on finit enfin par m'arracher ma maîtresse en faisant tout à coup éclater à ses yeux la disproportion ridicule et sacrilège des âges. Et vous voulez que je joue ça? Vous voulez que, bénévolement, je donne à cette petite que j'adore, dont le sourire et la tendresse sont les dernières aubaines de mon vieux cœur, une occasion de réfléchir, de raisonner, d'attarder sa pensée sur des vérités, sur des évidences, que son esprit n'a peut-être qu'à peine effleurées jusqu'à présent? Vous voulez que je fournisse à des méchants, à des petites trosses, à des envieux, l'occasion d'exprimer des allusions à la similitude des situations dans des conversations de coulisses ou dans de sales lettres anonymes? Ah non, ma seule, ma dernière ressource, c'est de jouer au contrat des rôles où je suis encore aimé par des jeunes femmes pour mon esprit ou pour mon talent, pour les restes encore appréciables d'un prestige, d'une élégance, d'une séduction qui furent célèbres. Reprenez votre beau rôle et laissez-moi mon pauvre bonheur si fragile qui se brisera bien assez vite tout seul. Quel courage n'avait-il pas fallu à Gribalet? À Gribalet l'avantageux, le plastronnant, pour qu'il se fût décidé à cette lamentable confession. Vaugelot, qui cependant n'était pas tendre, fut si ému par ce que l'on sentait de détresse, d'angoisse, dans les paroles du vieil homme, qu'il ne trouva rien à objecter. « Gardez tout de même le papier, » dit-il seulement. « Nous verrons en septembre. Nous chercherons un prétexte. C'est dommage tout de même, un si beau rôle. » Gribalet a joué le rôle. Il a joué le rôle parce qu'à Deauville, où il est allé passer quelques jours avec la Ragigine pour la distraire, celle-ci disparut un beau soir tiède d'août avec un petit comédien obscur, après l'envoi d'un congé bref crayonné sur une feuille de papier en tête du casino. Gribalet remportait dans ce rôle le plus beau succès de sa carrière. Et seul Vaugelot sait pourquoi les gens ont pu dire « comme il a joué nature et comme il a bien pleuré ». C'était un si beau rôle par Miguel Zamacois.